nous allons parcourir la terre. Regarde comme ton berceau se transforme en bateau à voile. Regarde au plafond les étoiles, oublie que tu n'es pas sur l'eau. Accroche-toi au gouvernail, si la tempête nous secoue, il faut se tenir vent debout, nous devons gagner la bataille. Petit mousse sans rivage, promets-moi d'être bien sage, et nous irons jusqu'à la mer. Jusqu'à la mer, jusqu'à la mer, nous allons parcourir la terre. Regarde les mouettes là-haut qui dansent autour du soleil. Et tant pis si tant de merveilles sont peintes sur un vieux tableau. Mon moussaillon tient bon la barre, même si le rire te secoue. Ou alors, prends-toi mon cou, nous allons larguer les amarres. Petit mousse sans rivage, te voilà devenu sage. Pourtant la mer est encore loin, tant pis tu la verras demain. Petit mousse sans rivage, c'est dans ton livre d'images que tu verras d'autres matins. Petit mousse sans rivage, promets-moi d'être bien sage, et nous irons jusqu'à la mer, nous découvrirons l'univers. Petit mousse sans rivage, promets-moi d'être bien sage, et nous irons jusqu'à la mer.